habitants de la terre. Vous souillez. Vous pillez. Vous détruisez les trésors de votre planète. Les studios Marvel présentent la suite d'un classique du cinéma français. Vous avez provoqué votre perte en asséchant votre monde de la ressource la plus précieuse qui soit. La soupe aux choux. Il revient, et cette fois, son appétit est sans limite. Le Claude, on a volé mes choux. Quoi? Les lapins ont encore tout bouffé? Non, c'est le jardin. Il a disparu. Oh non! Quand j'en aurai fini avec cette planète, tous les choux de l'univers seront à moi. La denrée, pas toi! L'humanité a trahi la nature, et la nature va vous faire payer la facture. Non, la denrée, il y a encore des petits paysans qui la respectent, qui produisent leurs choux bio eux-mêmes. Il est déjà trop tard. Mais un homme se dresse face à la tyrannie. C'est ce qu'on va voir! Grâce à un pouvoir insoupçonné. John Goodman est le Bombay. Ah, il m'a pété ma bosse. Verse-moi un canon, le Claude. Le dernier. Jeremy Irons est la denrée. Viens chez nous, puisque tu es le seul à savoir planter les choux à la mode de chez vous. Robert Downey Jr. est le Claude. Si tu crois que je vais laisser tomber le Bombay, c'est que t'es brodin allié. Après le soupe aux choux, The Cabbage War, cet été sur vos écrans. La nature reprend toujours ses droits.